إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le dars qu'on va lire aujourd'hui, inshallah, c'est tiré d'un livre du Cheikh al-Doctor al-Salih ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan, عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. Donc, c'est le livre d'un livre tiré de durus min al-Qur'an al-Karim. الدرس الأول التوحيد في القرآن الكريم. C'est-à-dire la première leçon, c'est le توحيد dans le Coran. Et le chef il commence en disant أهمية التوحيد وعاقبة الإعراض عنه. L'importance du توحيد est la punition de celui qui s'en détourne. قد يقول قائل وقد قيل هذا ما بالكم دائما تهتمون بالتوحيد وتكثرون الكلام فيه ولا تتناولون قضايا المسلمين في الوقت الحاضر الذي يقتلون ويشردون في الأرض وتلاحقهم دول الكفر في كل مكان فنقول بالله وبالله التوفيق التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد تبيانا كاملا حتى إنه لا تخلو صورة من صور القرآن إلا وفيها تناول للتوحيد وبيان له ونهي عن ضده وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد لأنه إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وإما أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك وهذا هو التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الألوهية وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته وإما إخبار عما أعد الله للموحدين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة أو إخبار عما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد انظر مدارج السالكين لابن القيم المجلد الثالث صفحة 468. Donc on va traduire qu'est-ce que le cheikh a expliqué maintenant. Il a dit que certaines personnes pourraient dire qu'est-ce que vous avez, ou bien pourquoi à chaque fois vous vous intéressez ou vous préoccupez et vous parlez continuellement du tawhid et vous en parlez sans cesse. Et mais vous ne parlez pas des autres sujets ou des autres problèmes du temps moderne, c'est-à-dire les musulmans qui sont en train de se faire tuer, qui sont en train de se faire expulser sur la terre, et comment les autres pays les attaquent partout sur la terre. Alors nous disons, et le succès vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa billahi al-tawfiq. Premièrement, pour commencer, il faut comprendre que le tawhid, c'est le fondement sur lequel toute la religion al-hanifiyya, cette religion du pur monothéisme, elle a été fondée sur ce principe fondamental. Et donc, c'est le tawhid. Ça, c'est le fondement de la religion. Et de s'en préoccuper, c'est de se préoccuper en réalité du fondement de la religion. Parce que si on réfléchit sur le Coran et si on médite sur le Coran, on découvre en fait que le tawhid a été clarifié d'une façon complète et parfaite, de façon à ce qu'il ne reste ou ce qu'il n'y a aucun verset, aucune sourate dans le Coran, aucun chapitre du Coran, excepté que si tu le lis, tu vas trouver dedans quelque chose qui a rapport avec le tawhid ou une clarification de sa signification ou une interdiction de ce qui s'y oppose. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a expliqué ça très clairement dans son livre. Et il a dit que tout dans le Coran explique le tawhid. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le Coran excepté que ça parle du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est soit une explication ou une information au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Et ça, c'est une des catégories du tawhid qu'on appelle al-tawhid al-ilmi. C'est-à-dire, on peut dire même le tawhid en théorie. Ou le tawhid du sens de la connaissance, et c'est-à-dire, en d'autres mots, tawhid al-rububiyya, comme on l'appelle, le tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite, wa imma amrun, c'est-à-dire soit un ordre d'obéir et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, en ne lui donnant aucun partenaire, ou une interdiction de commettre le shirk. Donc ça, c'est la deuxième sorte ou deuxième forme d'information qu'on trouve dans le Coran au sujet du tawhid, c'est-à-dire l'ordre d'adorer Allah lui seul et de rejeter toute forme de partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi, et aussi on retrouve l'interdiction de commettre le shirk, et ça rentre dans la catégorie du tawhid qui est le tawhid en pratique ou le tawhid appliqué, c'est-à-dire le tawhid al-amali, le tawhid en œuvre ou en action, et aussi al-talabi, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande dans cette forme-là de tawhid, c'est-à-dire il nous demande d'adorer lui seul. Et c'est ce qu'on traduit aussi par le terme tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله. Soit que aussi ça peut être un ordre d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son messager, et une interdiction de désobéir à Allah ou de désobéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ التَّوْحِيدِ وَمُكَمِّلَاتِهِ. Et ça, ça fait partie des droits du tawhid et de son perfectionnement. C'est-à-dire de sa c'est quelque chose qui vient pour compléter la perfection du tawhid d'une personne. وَإِمَّا إِخْبَارٌ عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّعِيمِ وَالْفَوْضِ وَالنَّجَاتِ. Ou c'est une information au sujet de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les gens qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les gens qui ont été croyants à au monothéisme, qui n'ont pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Donc, il nous informe de leur récompense et de leur des bontés et des biens qu'il leur a préparés, et de leur succès, de leur réussite, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans le paradis, et aussi de leur victoire qu'il leur a donnée dans cette vie et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans cette vie, c'est-à-dire leur victoire contre les non-croyants, et dans l'au-delà, c'est-à-dire d'entrer au paradis et d'avoir le succès et la récompense infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ikhbarun amma halla bil mushrikin. Ou c'est une information aussi de qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux idolâtres et à ceux qui donnent à Allah des partenaires, de châtiment dans cette vie et ce qu'il a préparé pour eux dans l'au-delà parmi les châtiments éternels de l'enfer. Et ça, tout ça, c'est donc soit au sujet de ceux qui ont complété et perfectionné leur tawhid, ou pour ceux qui ont négligé le tawhid et qui ne l'ont pas appliqué tel qu'il fallait. Et ça a été expliqué dans un des livres de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui est nommé Madarij al-Salikin. L'imam Ibn al-Qayyim, et c'est dans le volume 3, la page 468. Donc le cheikh il continue en disant: إذن فالقرآن كله يدور على التوحيد وأنت إذا تأملت الصور المكية تجد غالبها في التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ما نزلت عليه أغلب الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام وأمور المعاملات وما نزل هذا إلا بعد الهجرة في المدينة إلا الصلاة فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أسري به صلى الله عليه وسلم ولكن هذا قبيل الهجرة بقليل كما في حديث الإسراء المتواتر ومن آحاده الحديث المتفق عليه عن أنس رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 37. Donc le cheikh il explique, il dit, et donc le Coran en entier tourne, son sujet tourne ou parle autour du sujet du tawhid. Et si tu médites et tu réfléchis sur les sourates qui sont révélées, qui ont été révélées à la Mecque, tu remarques que la plupart d'entre ces sourates sont au sujet du tawhid. Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, il n'appelait uniquement qu'au tawhid et il ne faisait qu'interdire le shirk. Et la plupart des ordres qui ont été révélés sur lui par la suite, comme al-fara'id, l'héritage, al-zakat, al-siyam, al-hajj, toutes ces autres choses-là, et les autres choses aussi qui ont rapport avec ce qui est halal et haram, et les choses qui ont rapport avec les transactions et les interactions et les échanges entre les gens, toutes ces règles-là ont été révélées par la suite, après le hijra, dans la ville de Al-Madinah. Excepté la salat c'est-à-dire la prière, les cinq prières quotidiennes obligatoires, elles ont été révélées à la Mecque la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé dans Al-Mi'raj, et qu'il a été élevé aux cieux. Donc ça c'était, et en plus ça s'est passé mais presque très très proche de la date où Al-Hijra s'est produit, c'est-à-dire peu avant l'Hijr, peu avant Al-Hijra. Le chef il continue ensuite et il dit ولذلك كان غالب الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كلها في قضايا التوحيد مما يدل على أهميته وأن الفرائض لم تنزل إلا بعد أن تقررت التوحيد ورسخ في النفوس وبانت العقيدة الصحيحة لأن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد ولا تؤسس إلا على التوحيد. Donc le cheikh il explique encore que la plupart des versets qui ont été révélés à la Mecque, elles ont été révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le hijra, elles parlaient surtout et en particulier du tawhid, et elles étaient presque toutes sur les sujets qui ont rapport avec le tawhid, et ça nous montre l'importance du tawhid, parce que toutes les ordres et les obligations qui sont arrivées par la suite, et elles sont venues après que le tawhid a été confirmé et établi fermement dans les cœurs et dans les esprits des premiers croyants, et que la clarification de l'aqida a été faite d'une façon claire, parce que les actions qu'on fait ne peuvent être acceptées et ne peuvent être valables excepté si on a appliqué le tawhid, et les actions ne peuvent être fondées excepté sur le tawhid, parce que c'est la condition pour que les actions soient valables. وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون أو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو شأن الرسل البداءة بالتوحيد. Donc le Coran a clarifié que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'ils ont fait en commençant leur appel, c'est d'appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant toute autre chose. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour qu'il leur dise adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du tagut. Et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nous n'avons envoyé un messager avant toi sans lui avoir dit, sans lui avoir révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire, les prophètes, ils appelaient en premier à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'appeler à toute autre chose. Et donc, tous les prophètes disaient à leur peuple, يا قوم اعبدوا الله ma lakum min ilahin ghayru, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune autre divinité. Et ça, c'est l'appel de tous les messagers. Ils ont tous commencé par appeler au tawhid. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il continue et il dit: wa kadhalika atba'u ar-rusuli min ad-du'ati wal-muslihin awwalu ma yahtammuna bit-tawhid, لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة. كل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم به فإنها تكون دعوة خاسرة في نتائجها، وهذا شيء مشاهد ومعروف. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les gens qui ont suivi les messagers, parmi les gens qui appellent à la vérité, qui appellent à l'islam, et parmi les réformateurs, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont occupés et préoccupés d'appeler les gens au tawhid. Parce que tout appel que les gens peuvent faire yani, à l'islam, si ce n'est pas fondé sur le tawhid, alors c'est un appel qui est yani, voué à l'échec. Et cet appel, cette da'wah, elle n'arrivera à aucune conclusion et aucun but. Parce qu'elle yani, elle n'aura aucune conclusion positive, parce que toute personne qui fait une da'wah, qui met le tawhid dans la marge, comme si c'était une chose secondaire ou c'est une chose superflue, alors en réalité c'est une da'wah qui est vouée à la perdition et à l'échec. Et c'est une chose qu'on peut remarquer aujourd'hui. Na'am. Wa kullu da'watin turakkizu 'ala at-tawhid fa innaha tanjahu bi'iznillahi wa tuthmiru wa tufidu al-mujtama' كما هو معروف من قضايا التاريخ. Et tout appel, toute da'wah qui se base sur le tawhid, alors elle aura le succès par la permission d'Allah, et elle produira des fruits et elle va bénéficier la société. Et ça, c'est une chose qui est bien connue à travers l'histoire. Et le cheikh, il dit par la suite: وَنَحْنُ لَا نُهْمِلُ قَضَايَا الْمُسْلِمِينَ بَلْ نَهْتَمُ بِهَا ونناصرهم ونحاول كف الأذى عنهم بكل وسيلة، وليس من السهل علينا أن المسلمين يقتلون ويشردون، ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالكلام والكتابة والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا. لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت هذه العقوبات التي حلت بالمسلمين وسلطت عليهم عدوهم. ما السبب في تسليط الأعداء على المسلمين؟ Donc le cheikh, il donne une explication vraiment claire, mashallah, alhamdulillah, et il nous explique pourquoi le tawhid c'est si important, alors que les gens qui font les objections, comme par exemple pourquoi s'intéresser ou pourquoi se préoccuper du tawhid, alors que actuellement les musulmans sont en train de se faire tuer et que c'est exterminé partout dans le monde, alors pourquoi se préoccuper de ce sujet, c'est-à-dire pourquoi se préoccuper du tawhid plutôt que des autres sujets. Alors le cheikh, il dit, nous n'avons pas négligé les questions qui préoccupent les musulmans. En fait, même nous nous en préoccupons et nous lui donnons de l'importance. Et nous les aidons, les musulmans, et nous essayons de faire qu'ils ne soient pas ennuyés ou qu'ils ne soient pas yani, attaquer de tous les moyens possibles, on essaie d'enlever yani, le mal qu'il leur est fait. Mais c'est pas une chose, yani, c'est pas une chose facile pour nous de voir que les musulmans sont en train de se faire torturer ou tuer ou se faire yani, expulser de leur pays ou etc. C'est une chose qui nous cause beaucoup de peine. Par contre, toutefois, yani, c'est pas, ça veut pas dire qu'on doit uniquement se préoccuper de ces sujets-là et de pleurer sur le sort de nos frères et nos sœurs musulmans dans le monde et yani, de remplir le, tout notre temps à parler et à écrire et à crier au sujet de ce qui se passe dans le monde musulman. Parce que de faire ça, ça c'est pas ça qui va nous amener à nulle part. Parce que le vrai remède pour les problèmes qui atteignent les musulmans aujourd'hui, c'est de chercher en premier et avant tout, c'est quoi les causes? Quelles sont les causes qui font que nous, les musulmans aujourd'hui, on a tous ces problèmes? Et quelles sont les causes qui ont fait que nos ennemis ont eu le dessus sur nous? Donc le cheikh il pose cette question et par la suite le cheikh il continue et il dit حينما ننظر في العالم الإسلامي لا نجد عند أكثر المنتسبين إلى الإسلام تمسكا بالإسلام إلا من رحم الله إنما هم مسلمون بالإثم فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة يعبدون غير الله ويتعلقون بالأولياء والصالحين والقبور والأضرحة ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يصومون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم ومن ذلك إعداد القوة لجهاد الكفار وهذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ضيعوا دينهم فأضاعهم الله عز وجل. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit que lorsqu'on regarde le monde musulman actuellement, on remarque que la plupart des gens qui se prétendent être musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam et qui prétendent yani, s'accrocher à l'islam, yani, on remarque que la plupart d'entre eux, bien justement, ils ne pratiquent pas l'islam, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. On les voit qu'ils sont uniquement musulmans par nom ou en nom. Ils ont des noms musulmans, ils sont musulmans par le nom. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas, la plupart d'entre eux n'ont pas d'aqidah. Leur aqidah a été perdue. Ils adorent autre que Allah. Ils s'accrochent aux saints et aux hommes pieux. Et ils adorent les tombeaux et les sanctuaires. Et ils ne font même pas la salat. Et ils ne paient pas la zakat et ils ne jeûnent pas. Et ils ne font pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. Et parmi ces choses-là, par exemple, le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne de se préparer une force pour être capable de faire le djihad des kuffars. Il dit, et ça, c'est l'état de la plupart des gens qui se prétendent musulmans aujourd'hui. Ils ont perdu leur religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a perdus. C'est-à-dire, Allah les a égarés à cause du fait qu'ils ont perdu leur religion. Et le cheikh, il continue, cheikh Al-Fawzan, il continue par la suite et il dit وأهم الأسباب التي أوقعت بهم هذه العقوبات هو إهمالهم للتوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر ولا يتناهون عنه ولا ينكرونه من لا يفعله منهم فإنه لا ينكر لا ينكره بل لا يعده شركا كما يأتي بيانه إن شاء الله فهذه أهم الأسباب التي حلت بالمسلمين هذه العقوبات. نعم سبحان الله. Et le cheikh il explique quelque chose maintenant et c'est la réalité et c'est quelque chose que on peut même tous chacun d'entre nous témoigner de ça avec nos yeux et nos oreilles, parce que c'est ce qui se produit réellement. Le cheikh il dit, la plus importante des causes qui fait que nous les musulmans, nous avons tous ces châtiments aujourd'hui, et toutes ces punitions dans le monde, c'est qu'on a négligé le tawhid, on a négligé l'application du tawhid, et nous sommes tombés dans le shirk majeur, le shirk al-akbar. Et on voit que la plupart d'entre nous, on ne l'interdit même pas. C'est-à-dire, on n'interdit même pas le shirk. Et le shirk, il dit, et on ne le refute même pas, on ne le rejette même pas, le shirk billah. Alors, le shirk al-Fawzan, il dit, celui d'entre nous qui ne le fait pas, qui ne commet pas ce shirk, eh bien, il ne le rejette pas, il ne le refuse pas. C'est-à-dire, il ne dit pas aux autres, qu'est-ce que tu fais, c'est shirk. Hein? Tu vois, dans les pays musulmans actuellement, des gens qui font des pèlerinages aux tombes des saints et des awliya, les grands-mères, les grands-pères, ils amènent leurs petits-enfants et leurs familles aller dans les mawasim pour aller visiter un tel saint ou un tel saïd ou un tel wali, whatever. Et puis, ils vont à cette tombe. Et après, ils vont faire des rituels autour de ces tombes. Et là, après, ils vont adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois que les gens qui sont pas d'accord avec ça parmi eux, ou bien qui ne le font pas eux, ils ne vont même pas leur dire, ce que vous faites, c'est haram. Ce que vous faites, c'est shirk billah. Ce que vous faites, c'est quelque chose qui va vous amener à rester dans l'enfer pour l'éternité. Et parmi ces gens-là qui ne le font pas, il y en a, comme le cheikh il dit, la ya'udduhu shirkan. Il y en a parmi eux, ils ne le font pas, sauf qu'ils ne considèrent pas que ce qu'ils font c'est du shirk. Et le cheikh il dit, et ça nous allons l'expliquer, inshallah, plus tard. Et il dit que ça, c'est la plus importante cause de tous les malheurs qui nous arrivent, nous, les musulmans, aujourd'hui. Et ça fait partie des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette umma à cause de notre éloignement du tawhid. Le cheikh il continue ensuite et il dit, cheikh al-Fawzan, il dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِدِينِهِمْ وَأَقَامُوا تَوْحِيدَهُمْ وَعَقِيدَتَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا لَمَا حَلَّ بِهِمْ مَا حَلَّ. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Donc le cheikh il explique ce verset et puis il dit, فبين أنه لا يحصل النصر للمسلمين إلا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم؟ وأين الصلاة عند كثير من المسلمين؟ بل أين العقيدة الصحيحة عند كثير من يدعون الإسلام؟ نعم. Le cheikh il explique, il clarifie, masha'Allah, alhamdulillah, et il dit, si les musulmans, si nous étions restés accrochés à notre religion, et si on avait appliqué le tawhid et l'aqidah selon le Coran et la Sunna, et que nous, si nous nous étions accrochés à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala tous ensemble, sans nous diviser, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aurait pas punis de cette façon comme il nous a punis actuellement, et il n'aurait pas laissé tomber sur nous le châtiment qui est tombé sur nous actuellement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous allons donner la victoire à celui qui supporte notre religion. Voilà, yansuranna Allahu man yansuru. Celui qui nous supporte, qui supporte cette religion, eh bien nous allons, et celui qui supporte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons lui donner la victoire. Allah va lui donner la victoire. Inna Allaha laqawiyyun aziz. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le fort et le puissant. الذين إن مكناهم في الأرض. الله سبحانه وتعالى par la suite il les décrit il donne une description de ceux à qui il va donner la victoire sur la terre, et il les décrit en disant, ce sont ceux que lorsque nous allons les établir sur la terre avec le pouvoir, ce sont ceux qui établissent la salat, et ce sont ceux qui donnent la zakat, et ce sont ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et la bonne fin dans toute affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis par la suite, le cheikh il explique, il dit que ce verset nous explique en fait que la victoire n'arrivera pas aux croyants, aux musulmans, excepté lorsque nous nous serons concentrés sur ces choses-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset, c'est-à-dire d'établir la salat et de donner la zakat et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et où sont ces choses-là actuellement dans le monde musulman? Où est-ce qu'on retrouve la salat? La plupart d'entre les musulmans, ils ne font pas la salat. Et où est-ce qu'elle est l'aqida? Hein? La plupart des gens qui se disent musulmans, ils n'appliquent même pas cette aqida correcte, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'appliquer. Hayyallah ahl sunnah, barakallahu fikum. قالت يعني شيخ الفوزان إلتي وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولكن أين الشرط لهذا الوعد يعبدونني لا يشركون بي شيئا فبين أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقق شرطه الذي ذكره وهو عبادته وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد فلا تحصل هذه الوعود الكريمة إلا لمن حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعات. Donc le cheikh il explique et il dit, wa alaykum salam, Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux croyants parmi vous qui ont fait les œuvres, les bonnes œuvres, qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il leur donnera l'établissement et la fermeté dans leur religion, à leur religion, celle qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait changer leur état de crainte en un état de sûreté et de sécurité. Mais il a donné une condition à cette promesse. Et cette condition, c'est ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, c'est-à-dire ils m'adorent moi seul et ils n'associent avec moi aucune autre chose. Donc ça c'est la condition pour que cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala soit accomplie. Donc le cheikh il dit que on ne peut pas arriver à cette succession sur la terre et à cet établissement du pouvoir sur la terre, excepté en ayant accompli et complété cette condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée. Et c'est-à-dire que nous devons l'adorer lui seul, sans lui donner aucun partenaire. Et ça, c'est le tawhid. Et ces promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ces nobles promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites, sont uniquement pour ceux qui ont accompli et établi le tawhid et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala lui seul en lui vouant un culte exclusif et qui ont abandonné l'adoration de toute autre chose en dehors de lui. Et parmi l'adoration d'Allah, on peut compter la prière, la salat, et le jeûne, et la zakat, et le hajj, et toutes les autres formes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit, وَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ يعبدونني فقط بل أعقب ذلك بقوله لا يشركون بي شيئا لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك بل لا بد من اجتناب الشرك أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان اسمه وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. الشيخ الزي et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas limité à dire « il m'adore seulement », c'est-à-dire il n'a pas conclu cette condition pour l'accomplissement de cette promesse uniquement en disant qu'il faut qu'il m'adore, c'est-à-dire il faut que les croyants m'adorent, mais il l'a complété, il l'a suivi par une phrase en disant يعبدونني et après il dit لا يشركون بي شيئا, c'est-à-dire ils n'associent rien dans leur adoration avec moi, ils n'associent quoi que ce soit, ils n'associent pas aucune chose avec moi dans leur adoration, parce que en fait l'adoration qu'on fait n'a aucune importance et n'a aucune valeur si on la fait en accomplissant une forme de shirk. Toute œuvre ou tout acte d'adoration qu'on fait est annulé si on la commet, si on la pratique en commettant un acte de shirk avec elle. Et il faut s'éloigner de toute forme de shirk, peu importe sa catégorie, peu importe sa forme, peu importe son nom. Et le shirk, ça signifie quoi? Ça signifie de donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Le cheikh il dit par la suite, cheikh al-Fawzan il continue et il dit هَذَا هُوَ سَبَبُ النَّجَاتِ وَالسَّلَامَةِ وَالنَّصْرِ هَذَا هُوَ سَبَبُ النَّجَاتِ وَالسَّلَامَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ صَلَاحُ الْعَقِيدَةِ وَصَلَاحُ الْعَمَلِ بِدُونِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعُقُوبَاتِ وَالنَّكَبَاتِ وَالْمَثُلَاتِ قَدْ تَحِلُّ بمن أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم واكتفاؤهم بالتسمي بالإسلام فقط. نعم. Donc le cheikh il explique, il dit que la cause du succès et du salut et de la paix et de la victoire et de l'établissement sur la terre, c'est que notre aqida elle soit purifiée et elle soit en accord avec les ordres d'Allah et que nos actions et nos œuvres soient aussi purifiées de toute forme de shirk. Et sans cette condition et sans qu'on ait purifié notre aqida et nos actions, et bien ces châtiments-là qui nous atteignent aujourd'hui et ces punitions qui nous atteignent de toutes parts dans ce monde, et bien elles vont continuer à venir et elles ne vont s'éloigner de nous ou s'enlever de nous jusqu'à ce qu'on soit retourné à notre religion. Et elles vont continuer, on va continuer à être dans cet état d'humiliation et de faiblesse dans le monde jusqu'à ce qu'on soit revenu à cette aqida qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre et de respecter, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans nos croyances et dans nos actions. Et celui qui a laissé tomber ou qui a eu un défaut ou une faiblesse dans son adoration pour Allah et qui a commis une forme quelconque de shirk, eh bien il n'a pas respecté la condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le verset qu'on a mentionné plus tôt. Et donc c'est pour cette raison là que à cause de ce manquement de la part des musulmans pour cette condition d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans leur croyance et dans leur application de la religion, que c'est pour cette raison là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur cette umma ces châtiments. Et ils se sont satisfaits ou bien ils se sont limités au fait de se donner le nom de musulmans sans appliquer réellement le sens réel de ce que cette religion signifie. Donc le cheikh il continue, le cheikh Al-Fawzan il continue et il dit معنى التوحيد, la signification du tawhid, qu'est-ce que ça signifie. Il dit إذن ما التوحيد الذي هذه أهميته وهذه مكانته. Donc qu'est-ce que c'est ce tawhid dont on a compris maintenant l'importance et dont on a compris le statut, qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il explique, il dit التوحيد مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا والواحد ضد الاثنين والثلاثة فأكثر فحاصله أنه ضد الكثرة فالشيء الواحد هو الشيء المستقل المتوحد الذي لا يشاركه غيره. Donc le tawhid, ça vient du verbe d'unifier quelque chose, de rendre quelque chose un. Et le yani al-wahid, un, signifie yani l'opposé de deux ou trois ou plus. Donc ça vient contre la multiplicité. Donc la chose qui est unique, c'est la chose qui est yani indépendante et unifiée et qui n'a aucun partenaire avec lui. Donc le cheikh dit wa amma, ça c'est la définition du tawhid au sens linguistique. Par la suite, le cheikh il donne la définition du tawhid au sens yani de la sharia. Amma fi shar'i فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بمعنى أن تجعل العبادة كلها لله عز وجل ويكون الدين كله لله. Donc le cheikh il dit c'est que la signification du tawhid selon la sharia c'est de donner à Allah subhanahu wa ta'ala yani l'exclusivité, de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis notre devoir, inshallah, et notre responsabilité en tant que ghuraba dans cette dunya et ghuraba parmi les musulmans, eh ben c'est de clarifier aux autres qui n'ont pas la connaissance ou qui n'ont pas la compréhension, de leur clarifier la réalité de notre da'wa au kitab et à la sunna et à la compréhension des salaf salih, et de les appeler à suivre cette voie, inshallah ta'ala. Donc je vous remercie mes frères et mes sœurs, inshallah, et puis bi'idhnillah on va se retrouver en une autre occasion plus tard, inshallah, puisque j'ai un rendez-vous. Mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce livre Durusun min al-Qur'an, et je vous promets inshallah de continuer ce livre. Peut-être qu'on pourra même se donner un rendez-vous précis chaque jour ou bien chaque semaine à une heure précise. J'ouvrirai la salle et puis on commencera à expliquer encore plus la signification du tawhid pour les gens, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.